الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد donc nous continuons l'explication du livre لُمْعَةُ الْاعْتِقَادِ الْهَادِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ un livre de l'imam al-Qudam al-Maqdisi رحمه الله تعالى et l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى. La semaine dernière on avait terminé de citer la parole de Omar ibn Abdul Aziz lorsqu'il a dit « Arrête-toi là où le peuple s'est arrêté, car ils se sont arrêtés avec science et se sont abstenus par un regard perçant, c'est-à-dire par la science. Et ils étaient plus aptes et avaient la science nécessaire pour dévoiler les choses sur lesquelles ils se sont abstenus. » Et s'il y avait un bien dans ces choses dans lesquelles ils se sont abstenus, ce seraient les premières personnes à y accourir. Et si, mais si vous dites qu'il y a des choses qui ont été innovées après eux, ceux qui ont innové sont ceux qui les ont contredits dans leur voie, et s'est éloigné de leur sunnah. وَلَقَدْ وَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي وَتَكَلَّمُوا مِنْهُ بِمَا يَكْفِي. Et ils ont décrit ce qui guérit les cœurs, c'est-à-dire dans les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent des noms et attributs d'Allah. وَتَكَلَّمُوا مِنْهُ بِمَا يَكْفِي. Et ils ont parlé dans ces textes de ce qui suffit. Puis, l'imam أبو عمر بن عبد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أدي فما فوقه محسر وما دونه مقصر. Tous ceux qui se considèrent au-dessus d'eux sont غالين, c'est-à-dire qu'ils ont abusé. وما دونه مقصر, les ceux qui sont en dessous d'eux ont manqué à leur devoir. وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم, et qu'il fallait trouver un juste milieu entre ces deux voies, entre l'abus et le manquement. Et on avait cité, on avait décrit l'explication de Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah, hafidahullah ta'ala, à savoir que le musulman doit être entre les deux, il doit suivre la voie juste et droite, la voie du juste milieu qui est entre l'abus et le délaissement, Ensuite, on avait cité la parole de l'imam Abu Amr al-Awza'i rahimahullah lorsqu'il dit عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. Tu dois suivre les traces de ceux qui t'ont précédé parmi les pieux prédécesseurs, même si les gens te rejettent, et prends garde à l'avis des gens, même s'ils te l'embellissent par leurs paroles, On avait également expliqué, donné des explications de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, à savoir que la personne suit les pieux prédécesseurs en voulant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant sa satisfaction, et qu'il ne doit pas prêter attention au désaccord des gens vis-à-vis de lui, ou le fait que les gens le contredisent. Cela ne doit pas l'influencer dans le chemin droit qu'il suit, car il le suit pour Allah subhanahu wa ta'ala et il recherche la satisfaction d'Allah et non celle des gens, et de faire attention à ne pas être influencé par certaines personnes qui suivent leur passion et qui les embellissent par leurs paroles. Et qu'il y avait parmi les gens de l'innovation des personnes qui étaient très éloquentes et qui attirent les gens qui les écoutent pour les embobiner et les dévier du droit chemin. في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير فإن فزخرف القول يزين الباطل عند الناس لكن البصير ينظر في الحقائق ولا ينظر إلى المظاهر فما دام أن هذا الكلام لم يقله السلف الصالح في هذا الباب باب الأسماء والصفات فاعلم أنه باطل وإن تزين بالألفاظ وحسن النطق فلا تعب به ما دام أنه مخالف لهدي السلف الصالح وهذا ينطبق على علم الكلام وعلم المنطق الذي زوقوه وزخرفوه وسموه براهين عقلية وقواعد يقينية إلى آخر ما يقولون فلا تلتفت إليه كيف تعادل قواعد المنطق وعلم الكلام كلام رب العالمين وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف كيف يعادل هذا بهذا. Puis Cheikh Fawzan Habib Allah avait continué son explication en citant le vers d'un poète en disant في زخرف القول تزيين لباطله, dans la beauté de la parole il y a un embellissement de son égarement. Et la vérité peut être mélangée à une mauvaise explication. Autrement dit, dans la parole de ce poète, il y a dans l'embellissement des paroles, dans le fait de dire des belles paroles, un embellissement d'une chose qui est fausse. Autrement dit, quelqu'un qui est dans le faux peut dire des paroles qui sont agréables à écouter, qui sont belles à entendre, qui plaisent, pour que cette chose qui est fausse soit acceptée. Et l'inverse est vrai aussi, à savoir que des fois, des paroles vraies sont parfois mal exprimées. Sont parfois mal exprimées, et ceci peut... Il peut détourner les gens de cette parole, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle a été mal exprimée, mal formulée. Donc le fait d'embellir les paroles peut faire accepter le mal et le faux chez les gens, mais celui qui est clairvoyant regarde la vérité des choses et ne regarde le fond des choses et non pas l'apparence. Il faut regarder le fond des paroles et non pas leur forme. Tant que les paroles qui sont dites n'ont pas été dites par les pieux prédécesseurs, notamment dans le chapitre des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache que cela est faux, sache que cela est un égarement, sache que cela est nul, même si il est embelli par des belles formules et qu'il est apporté de façon agréable, ne fais pas attention à cela, car il contredit la voix des pieux prédécesseurs, et ceci est la science de ilm al-kalam, la science de la parole, qu'ils ont appelée comme étant des preuves rationnelles, ou des règles sûres, il est certain, ne parle plus de science de la parole ou de philosophie, mais parle de preuves rationnelles. Ce sont des choses que la raison accepte. D'accord ? Et le fait que la raison accepte suffit à considérer cette chose comme étant vraie. Et cela est faux. Cela est faux, notamment dans le chapitre des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Fawzan dit « Fala taltafit ilayhi » ne n'y porte pas attention. Comment comparer des règles philosophiques et des preuves rationnelles, entre guillemets, avec la parole du Seigneur des mondes et la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles des pieux prédécesseurs? Comment comparer ces paroles aux autres? ثم قال الإمام ابن قدامة المقدسي رابعا قول الإمام الأدرمي في هذا الباب وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فقال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت فانقطع الرجل. محمد بن الأدرمي الإمام الأدرمي a dit dans ce sujet, يعني الإمام القدامى المقدسي rapporte la parole de l'imam al-Adrami et dit محمد بن عبد الرحمن الأدرمي a dit à un homme qui a parlé dans l'innovation et a appelé les gens à cette innovation, lorsqu'il s'est entretenu avec lui, et a dit, il lui a dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait connaissance de ceci? et Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali, ou n'en avaient-ils pas connaissance? Il a répondu, ils en avaient connaissance. Et Al-Imam Al-Adlami lui a dit, une chose que n'avaient pas en connaissance, qu'ils ne connaissaient pas eux, tu la connais toi. Et l'homme a dit, je dis, ils le savaient. Et l'imam Al-Adlami a dit, et une chose, avaient-ils la possibilité ou leur suffisait-il de ne pas en parler et de ne pas appeler les gens, ou cela ne leur suffisait pas? Il a répondu, cela leur suffisait. Il a donc dit, une chose qui suffisait au prophète et à ses compagnons ne te suffit pas à toi. L'homme s'est alors tué. Mohammed, قال الشيخ الفوزان محمد بن عبد الرحمن الأدلمي هكذا سمي قال لرجل يناظره عند الخليفة الواثق ابن المعتصم العباسي لأنه في عهد المأمون ظهرت بدعة القول بخلق القرآن بتأثير المعتزلة فتبناها المأمون كما تبنى غيرها من الأمور التي تحملها لكن من أخطر فتنة القول بخلق القرآن وتعذيبه للأئمة وقتله لبعضهم لما لم يستجيبوا له ومن هؤلاء رجل شيخ كبير ولقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء القصة ولم يسمي الشيخ يقول شيخ من أدناه اسم بلد دخل على الواثق وعنده رأس الفتنة أحمد بن أبي دؤاد الذي أذى الناس بعد بشر المريسي أذى الناس بحملهم على هذا الكفر فأتى الله بهذا الشيخ فخصمه عند الواثق بهذه المناظرة التي ذكر الشيخ طرفا منها. Donc Mohammed ibn Abd al-Rahman al-Adrami, ainsi il était appelé, c'est un homme, il a dit à un homme avec qui il avait fait un débat en présence du calife appelé al-Wathiq ibn al-Mu'tasim al-Abbasi, qui faisait partie des califes des Abbasides. Car au temps de Al-Ma'moun, qui était un gouverneur avant Al-Wathiq ibn al-Mu'tasim, est apparue une innovation qui est le fait de dire que la parole d'Allah est créée, que le Coran est créé. Et ceci a été diffusé par la secte appelée Al-Mu'tazila. Et Al-Ma'moun, qui était le gouverneur à l'époque, a cru en cette hypothèse et en cette théorie et l'a mis en pratique et a châtié les savants qui le contredisaient. Il en a même tué parmi eux qui ne voulaient pas répondre à son appel, car Al-Ma'moun avait imposé aux gens de dire et de croire que le Coran est créé, que ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait parlé de ce sujet déjà quand on avait cité la biographie brève de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Et l'imam al-Dhahabi, dans son livre Sir A'lam al-Nubala, qui est un livre, qui connaît ce livre? Non, c'est un livre de biographie. C'est un livre uniquement de biographie qui fait à peu près une vingtaine de volumes, qui décrit la biographie de, en commençant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en passant par ses compagnons et par tous les salafs. Par tous les salafs et les grands savants de l'islam, tu trouveras une biographie de chacune de ces personnes dans ce livre très intéressant et très important de l'imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Et l'imam al-Dhahabi a entre autres cité cette parole ou cette histoire dans son livre Sir A'lam al-Nubala, sans citer le nom du cheikh qui est Mohammed ibn Abd al-Rahman al-Adrami. Il a seulement dit que c'était un cheikh de Adna, qui est le nom d'un pays ou d'une ville, qui est rentré chez Al-Wathiq. Al-Wathiq, qui est le nom du gouverneur. Al-Wathiq, le calife. Al-Wathiq ibn al-Mu'tasim. Al-Wathiq ibn al-Mu'tasim, il est rentré en sa présence et il y avait avec lui, c'est-à-dire avec le calife, la tête pensante de cette épreuve qui est le fait de dire que le Coran est créé, la tête pensante qui était Ahmed ibn Abi Duhad, qui était un savant mauvais, un savant qui diffusait, un savant de l'innovation, qui est la cause de la diffusion de cette innovation à son époque. Fa'at Allah, et Allah Azza wa Jalla a apporté ou a fait en sorte que ce cheikh vienne chez le calife et qu'il fasse un débat avec Ahmed ibn Abi Duhad en présence du calife. Et l'imam al-Adrami a dit à un homme, comme l'a dit l'imam ibn Qudam al-Maqdisi, à un homme qui a parlé dans l'innovation. Huwa Ahmed ibn Duhad la ra's al-fitna 'inda al-Watiq al-Abbasi li'annahu tawalla 'ala al-muslimin فتنة القول بخلق القرآن على أيدي ثلاثة من الخلفاء العباسيين المأمون وأخوه المعتصم والواثق ابن المعتصم جاء المتوكل فناصر السنة وقمع أهل البدعة وقمع أهل البدعة. Donc cet homme de l'innovation, cet homme qui a parlé dans l'innovation, comme l'a dit l'imam ibn Qudam al-Maqdisi, Cheikh al-Fawzan a dit, c'est Ahmed ibn Abi Duhad, la tête pensante qui était auprès de Al-Wathiq, le calife, à l'époque. Car Ahmed ibn Abi Duhad a connu trois califes dans son vivant et a diffusé cette innovation qui est de dire, et cet égarement qui est de dire que le Coran est créé, à travers ces trois califes. Et ces trois califes sont le premier Al-Ma'moun, ensuite son frère Al-Mu'tasim, puis Al-Wathiq, le fils de Al-Mu'tasim. Et là, le débat a eu lieu en présence de qui? De Al-Wathiq ibn Al-Mu'tasim. Hatta ja'a al-mutawakkil fa nasara as-sunnah wa qama'a ahla al-bid'ah. Et cette fitna, cette épreuve qui a touché beaucoup de musulmans et beaucoup de savants, a été ou a connu fin lors du calife de Al-Mutawakkil, lors du calife de Al-Mutawakkil, qui est venu après Al-Wathiq ibn Mu'tasim, qui a donné victoire à la Sunna et a fermé toutes les portes aux gens de l'innovation. Wada'a an-nas ilayha. Et Ahmed ibn Abi Duhad a appelé les gens, ne s'est pas contenté de croire en cette innovation seulement, mais il a appelé les gens à y croire et à considérer ça comme une croyance vis-à-vis d'eux. وهي دعوة خلق القرآن وهي بدعة خلق القرآن كما قال الشيخ الفوزان سي innovation de dire que le Coran est créé. قال له هذا المذهب الذي تقوله الآن وهو القول بخلق القرآن هل علمه رسول الله وعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلموه؟ فإن قال لم يعلموه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالجهل، وإن قال علموه ولكن لم يبينوه للناس وصفهم بالكتمان فألجمه بحجر في هذه المناظرة. إيه عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الأدلمي أدي أبو أحمد بن أبي دؤاد lui dit ce que tu penses, ce que tu crois, à savoir que le Coran est créé. Est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم le savait? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait ainsi qu'Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ou ne le savait-il pas? Si, yani, ici, il était, la question qui lui a été posée était une question où, quelle que soit sa réponse, il sera fautif. Yani, quelle que soit sa réponse, ce sera une preuve contre lui. S'il dit il ne le savait pas, alors il aura traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons d'ignorants. Et s'il dit ils le savaient mais ils ne l'ont pas expliqué aux gens, alors il dira que ou il traitera le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cacher la vérité. Soit il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait, c'est-à-dire que le Coran était créé, que le Coran est créé, ou soit il ne le savait pas. Si tu dis qu'il ne le savait pas, tu dis alors que tu connais une chose que le Prophète ne connaissait pas. Et là, c'est grave. Et si tu dis qu'ils le connaissaient, mais qu'ils ne l'ont pas enseigné aux gens, car il n'y a aucune preuve que le prophète l'a enseigné aux gens, car ceci est apparu bien après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et le fait de dire, il le savait, mais il ne l'a pas enseigné aux gens, cela revient à traiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cacher la vérité et de ne pas avoir transmis toute la religion. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis toute la religion et de la meilleure des façons. إذا كان الرسول وأبو بكر وعمر لم يعلموا هذا القول فهل أنت الذي علمته فأنت جئت بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه خلفاء الرسول رجع وقال قد علموها قال له إذا كانوا علموها لماذا لم يبينوها للناس. Et au début du débat, lorsque Al-Adrami rahimahullah a posé la question à Ahmed ibn Abi Du'ad, est-ce qu'il savait, c'est-à-dire les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, que le Coran était créé, il a répondu au début, qu'est-ce qu'il a dit? Lam ya'lamuha, il ne le savait pas. Et c'est là où l'imam Al-Adrami lui a dit, une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ne savaient pas, toi tu la connais. Et là, il est revenu sur son avis et a dit, qad alimuha, non, il le savait. Et c'est là où l'imam Al-Adrami lui a dit, il le savait. Mais est-ce que le fait de ne pas le transmettre aux gens leur suffisait, ou cela ne leur suffisait pas? Il a répondu, cela leur suffisait. C'est-à-dire que il considérait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait, mais qu'il se contentait de le garder pour lui. Et c'est là où l'imam Al-Adrami lui a dit, une chose qui suffisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons, et ne l'ont pas transmis aux gens, ça ne te suffit pas à toi. Et là, l'homme s'est tu, et ne savait plus quoi dire. فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه وما وسعهم وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. Puis le calife qui était en présence et qui était spectateur de ce débat a dit « La wassa'a Allahu ala man lam yassa'hu ma wassi'ahum » qu'Allah n'élargit pas à celui qui ne se contente pas de ce qui les ont suffi. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'Allah n'élargisse pas ou donne ou ne fasse pas que la personne se contente s'il ne se contente pas de ce que se sont contentés le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. قال الشيخ الفوزان هذا الشيخ خصم هذا الملحد وأخزاه عند الخليفة حتى إن الخليفة اعترف بخطأ هذا الخبيث ويقال إن الواثق تاب عن هذه المقالة والله المستعان لكن هذا الشيخ خصم هذا الملحد لأنه أتى بشيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه صحابته وخلفاؤه الراشدون. شافوزان دي ce شيخ a débattu avec cet athée et l'a humilié devant le calife au point que le calife a avoué l'erreur de أحمد بن أبي دؤاد ويقال إن الواثق تاب عن هذه المقالة. Et il a été dit que الواثق s'est repenti de le fait de dire que le Coran est créé. Et ce cheikh, c'est-à-dire Al-Adrami, a débattu avec cet athée أحمد بن أبي دؤاد et a apporté et a prouvé que le professeur Hassan n'avait pas connaissance de cette innovation, ni ses compagnons, ni ceux qui les ont suivis. وهكذا هذا تعليق من المؤلف من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دعاء بأن يضيق الله عليه في الدنيا والآخرة في لتغدير من مقدامة وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم c'est-à-dire et ainsi et la destinée de ceux qui ne se sont pas contentés de ce que s'est contenté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, c'est une invocation pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne rende difficile cette vie d'ici-bas ainsi que celle de l'au-delà à ceux qui ne se contentent pas de ce qu'a porté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ashabuhu wa tabi'ina lahum bi ihsan wa al-a'immatu min ba'dihim, également de ceux qui ne se contentent pas de ce dont se sont contentés ses compagnons, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance ainsi que des imams après eux. Wa al-a'imma alladhina ja'u min ba'dihim kal a'immati al-arba'a wa Sufyan al-Thawri wa Sufyan ibn Uyayna wa a'immatu al-muhaddithin alladhina ja'u min ba'di as-sahaba. Les imams après eux, ce sont les quatre imams, et également Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, et tous les imams du hadith qui sont venus après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَالرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ مِنْ تِلَاوَةِ آيَاتِ الصِّفَاتِ وَقِرَاءَةِ أَخْبَرِهَا وَإِمْرَارِهَا كَمَا جَاءَتْ فَلَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ. من قراءة آيات الصفات التي في القرآن مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات الصفات الذاتية كالوجه واليدين وإثبات الصفات المعنوية كالعلم والإرادة والقدرة والصفات الفضيلة كالخلق والرزق والكلام والاستواء وقوله وقراءة أخبارها أي والآثار يعني بها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى بالآثار وتسمى بالأحاديث وتسمى بالسنة كلها أسماء لأحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Également, l'imam Ibn Qudama a dit, et ainsi c'est ainsi la destinée de celui qui ne s'est pas contenté de ce dont s'est contenté le prophète sallam, ainsi que ses compagnons, ainsi que ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance, et les imams après eux, ceux qui sont ancrés dans la science, dans la lecture des versets qui parle des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa qira'ati akhbariha, et de lire ces hadiths, les hadiths à ces sujets, wa imrariha kama ja'at, et de les considérer comme elles ont été rapportées, fala wassa'a Allahu alayhi, que celui qui ne se contente pas de cela, qu'Allah fasse en sorte qu'il ne se contente pas. Qu'Allah fasse en sorte qu'il ne se contente pas. Et quand l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, a dit, min qira'ati min tilawati ayati sifat, min qira'ati ayati sifat, comme l'a dit Jir al-Fawzan, qui ont été rapportés dans le Coran comme la parole wa Allah azawajal a dit laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir, rien ne lui ressemble, et celui qui entend tout et qui voit tout. Ceci est considéré comme étant un verset dans al-asma wa sifat, ou comme le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama', rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les cieux ou dans la terre. Et également d'autres versets où il y a l'attestation d'attributs à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le visage, comme les mains, ou d'autres attributs comme la science, comme la volonté, comme la puissance, et également d'autres attributs comme la création, la pourvoyance, la parole, le fait d'être établi au-dessus de son trône. وَقَوْلُهُ وَقِرَاءَةُ أَخْبَارِهَا, et de lire ces informations, comme l'a dit l'imam Ibn Qudama, c'est-à-dire al-athar, les traces, c'est-à-dire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des fois appelés al-athar, et sont des fois appelés al-ahadith, et sont des fois appelés al-sunnah, sont aussi des fois appelés al-sunnah. Tous sont différents termes qui signifient la même chose, à savoir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est à preuve dans la sunnah, c'est-à-dire dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. قرأوها وأقروا ما جاءت لم يتعرضوا لتأويلها ولم يتكلفوا شيئا لمعرفة كيفيتها بل أمروها كما جاءت ولم تشكل عليهم لأنهم يعلمون معناها لأنها نزلت بلسانهم وهم عرب فصحاء ولم يسألوا عنها ولم يبحثوا فيها لعلمهم بما تدل عليه ولم يعترضوا عليها وما وقع في أفهامهم أن هذا في تشفيه تشبيه فهم يعلمون الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. C'est-à-dire qu'ils les ont lus, c'est-à-dire que les salafs ont lu ces versets et les ont considérés comme elles ont été rapportées et ne se sont pas attardés à interpréter ces versets ni à connaître le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils les ont considérés comme elles étaient rapportées sans que cela ne les dérange, car ils connaissaient le sens. On avait dit que le sens était connu, mais ce qui était inconnu, c'était le comment. Car ces versets sont descendus dans leur langue, qui est la langue arabe, la langue qui était leur langue maternelle. Et c'était des Arabes qui connaissaient parfaitement la langue arabe. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, le terme istawa, il savait parfaitement ce que ça voulait dire, mais il ne connaissait pas et ne voulait pas connaître le comment. Walam yas'alu anha, ils n'ont pas demandé à connaître le comment. Walam yabhathu fiha li'ilmihim bima tadullu alayhi, et ils n'ont pas cherché car ils savaient ce que cela voulait dire. Walam yata'arradu alayha, et ils n'ont pas contredit ces versets. وما وقع في أفهامهم أن هذا فيه تشبيه, et en aucun cas ils n'ont considéré, n'ont cru un seul instant que ces versets pouvaient être considérés comme faisant ressembler Allah à ses créatures. Le fait de dire qu'Allah est celui qui entend tout et voit tout, les salafs n'ont jamais compris, ni de près ni de loin, que cela pouvait être une ressemblance entre Allah et ses créatures, car Allah subhanahu wa ta'ala voit et il entend, mais il n'entend pas comme ses créatures, il ne voit pas comme ses créatures. فَهُمْ يَعْلَمُونَ الْفَرْقَ بَيْنَ صِفَاتِ الْخَالِقِ وَصِفَاتِ الْمَخْلُوقِ, car ils connaissaient la différence entre les attributs du Créateur et les attributs des créatures. On اكتفي بهذا القدر. وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.